Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve bien sûr à 16h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui télé-réalité ou la guerre des chaînes, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Cédric Ossire. La fiction d'aujourd'hui commence en 2001 et son histoire est loin d'être terminée. Elle nous raconte comment est apparu sur notre petit écran cet objet difficilement identifiable, qualifié de réel et qui est avant tout une copie marketing de ce qu'est notre vie quotidienne. Ça s'appelle la télé-réalité, un show, un genre télévisuel dont le principe, finalement, est de suivre par épisode la vie quotidienne de personnes anonymes, d'individus ordinaires qui vivent artificiellement des situations plus ou moins ordinaires. Voilà pour l'énoncé du théorème qui, au fond, n'a qu'un but, attirer la pub et donc l'argent. Comme le dit Christophe André, psychiatre, la télé-réalité est une sorte de gigantesque miroir tendu à nous-mêmes dans lequel nous aimons à nous regarder pour le meilleur et pour le pire, car toute la question est de savoir si ce regard sur nous va nous faire ensuite réfléchir ou si nous en resterons simplement en constat narcissique du genre « Ah bah tiens, moi je suis comme ça. Ah puis non, finalement je suis pas comme ça. Enfin, je suis pas comme eux. » Cette histoire a commencé, comme souvent, aux États-Unis en 1971 avec un programme intitulé « An American Family » qui racontait en 12 épisodes le divorce d'une famille californienne. Un succès, un grand succès, aussitôt exporté en Angleterre et en Australie. La télé-réalité était née. Et puis en 1999, l'émission Big Brother bouleverse le paysage audiovisuel européen. La première du genre est diffusée aux Pays-Bas sur la chaîne de télévision Véronica. En France maintenant, où d'aucuns pensent qu'il faut bien investir la part de cerveau disponible de la population, ce genre d'émission arrive sous le nom de Love Story, qui deviendra Loft parce que c'est plus court et puis parce que ça renvoyait à cet univers clos qui était un loft. Aujourd'hui, la télé-réalité constitue un pilier de la télévision. Que ce soit sur M6 ou TF1, elle se décline en autant de variantes qui s'appellent Koh-Lanta, Secret Story, L'île de la Tentation, La Nouvelle Star ou encore L'Amour est dans le Pré. Alors, que penser de la télé-réalité ? Après la fiction, et pour nous aider à réfléchir sur ce programme si populaire de la télé, nous recevrons Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias, spécialiste de la télé-réalité. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Salut cher candidat, c'est moi, je suis la voix. Non, ne me cherche pas, tu ne peux pas me voir, je suis là, quelque part. Dans ta tête, dans l'air, un peu partout, peu importe où, je t'observe. N'aie pas peur, je suis là pour t'accompagner, pour t'écouter, pour te tenir la main. Tu peux te confier à moi, tu peux tout me dire, je suis ton journal intime. Je suis là pour que tu te déverses, pour que tu te répandes, pour que tu t'étales. Je suis le garant de ton image. Avec moi, tu peux te démultiplier, tu peux en rajouter, tu peux exagérer autant que tu veux. Je suis là pour te regarder à la loupe. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. À toute heure du jour et de la nuit, je te vois. Avec moi, tu peux tout faire, tu peux tout dire. Je suis là à tes côtés. Tu peux te reposer sur moi, pleurer ou rire sur mon épaule, te confesser. Vas-y, parle-moi, confie-toi. Big Brother est avec toi. Oui, c'est ça. Considère-moi comme ton grand frère. Télé-réalité ou la guerre des chaînes, de Leslie Menahem. Réalisation, Cédric Ossir. Réunion média annuelle. Juin 2000. Prenez des rats de laboratoire, des mâles, des femelles, mettez-les dans une cage, nourrissez-les, injectez-leur de l'alcool, laissez-les copuler, et voyez ce qu'il se passe. La science, grâce à ses nombreuses expériences, nous a permis, via l'observation, via ses cobayes, d'effectuer d'énormes progrès pour la médecine, et donc pour l'humanité. C'est fabuleux. J'ai donc tout simplement été inspiré par la science. John de Mol, pour vous, les êtres humains sont des rats de laboratoire ? Laissez-moi poursuivre. Cela n'a rien à voir. Ici, les participants sont entièrement consentants. Et parfaitement. Je suis intimement convaincu que cette émission fera progresser l'humanité. Mais c'est de la provoque. Vous vous considérez comme un humaniste? L'écran de télévision ne devrait-il pas être un miroir dans lequel le téléspectateur peut observer son propre reflet? Pour la première fois, le téléspectateur se retrouve face à des gens qui lui ressemblent, face à des gens qui, comme lui, mangent, dorment, boivent et copulent. Des gens qui ne sont ni des chanteurs, ni des acteurs, ni des super-héros. Mais le système d'élimination, vous trouvez ça normal? Mais c'est un jeu. Et comme dans tout jeu, eh bien, il y a des gagnants, mais aussi des perdants. Et comment définiriez-vous votre émission? Pour moi, Big Brother est un nouveau genre. Le téléspectateur se retrouve maître du jeu. C'est lui qui choisit quel candidat doit rester dans la maison. Et c'est ça qui lui plaît. On fait un feuilleton avec de la vraie vie. Oui, en somme, il s'agit là de la fausse vie des vrais gens. Oui, en quelque sorte. C'est la télépoubelle. De la télépoubelle, dites-vous. Moi, j'en suis vraiment fier. Ce genre de télé va rester parce que c'est un reflet de notre société. Je peux t'en taper une? Bien sûr, je t'en fais. Alors Thomas, comment ça se passe à la vice-présidence d'M6? Pas trop mal, je te remercie. On reste des petits joueurs à côté de TF1, mais bon. Arrête. Mais quoi, c'est la vérité. Ouais, bon. C'est pas toujours reposant d'être à la direction de la chaîne préférée des Français. En tout cas, il manque pas de culot, ce type. John Demol. L'homme qui démolit tout sur son passage. Ah, tu te rends compte? 13 pays qui diffusent déjà l'émission. Il y a encore une bonne dizaine qui sont en train de se positionner. Ce type et sa boîte sont multimilliardaires. Faire du fric sur le dos de pauvres inconnus qui rêvent de gloire. Non mais franchement... Tu sais qu'ils battent tous les records d'Audimat. Ouais, mais c'est une mode. Un feu de paille, je te dis. L'an prochain, les pics d'audience chuteront, ça, je peux te le garantir. De toute façon, c'est impossible de faire un programme pareil en France. C'est pas dans nos mentalités de diffuser ce genre de trucs. Non, les Français n'aimeront pas. Non, entièrement d'accord avec toi. C'est immoral. Hors de question de se laisser pervertir. Non, à la télé-poubelle, mon vieux. Il faut qu'on soit solidaires. Non, à Big Brother et à la TV Trash, t'as raison. Il faut qu'on soit solidaires. Parole d'honneur? Parole d'honneur. 20 décembre 2000, bureau de production de M6. J'ai fait comme vous vouliez, changement de nom, légère modification du concept, Audimat garanti. On part sur Love Story alors. Love Story, oui. Chic et choc, autrement plus classe que Big Brother. On ne pourra pas vous attaquer en disant que c'est la même chose. Et qu'est-ce qui change exactement dans le concept? C'est un concept un peu plus fleur bleue. Vous allez présenter ça comme un psycho-jeu de rencontre, où le but est de former un couple de finalistes. On propose tout simplement à des candidats de rencontrer leur âme sœur. Sous le regard bienveillant de millions de téléspectateurs. Exactement. 11 célibataires de 20 à 35 ans, 5 filles, 6 garçons, 10 semaines, filmés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans un loft entièrement coupé du monde. Love Story, qui sera le couple gagnant? C'est du génie. Il y aura une quotidienne avec un résumé de ce qu'il se passe dans la maison. Et un prime time, où le public assistera à l'élimination d'un candidat chaque semaine. Parfait. Pour que ça marche, il vous faut des candidats très différents. Soyez très vigilants avec le casting. Prenez une bimbo, un bodybuilder, une bourgeoise un peu rebelle, un homosexuel extraverti. Il faut aussi que les candidats reflètent la France d'aujourd'hui. Prenez une métisse, un black, un chinois. Mais bien entendu, mais ah, c'est inouï, John. Ravi que vous soyez ravi. Vous savez que je mise gros sur cette émission. 11 millions à débourser pour votre concept, c'est... C'est rien du tout. Vous ne payez pas d'acteurs, vos équipes de tournage sont extrêmement réduites. Cette émission vous coûtera 30 fois moins cher que le tournage d'une autre émission. Et elle vous rapportera gros. Ouais. Vous allez faire exploser l'audimat. Et les votes par SMS vous feront gagner beaucoup de fric. Ah, vous avez révolutionné la télévision, John. Mais d'où vous est venue cette idée brillante? Je devrais peut-être pas vous le dire. L'idée du format m'est venue en me promenant dans les rues du quartier rouge à Amsterdam, en observant les prostituées dans leurs vitrines. Mmh. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Vous qui nous regardez, vous tous qui allez suivre ce programme, vous avez un rôle essentiel et primordial à jouer. Ces six garçons, ces cinq filles, bien sûr, vont vivre une expérience unique, ils vont devenir les héros d'une histoire. Mais cette histoire, c'est vous qui allez l'écrire. C'est vous qui, à tout moment, pourrez changer le scénario. Comment ? Eh bien, c'est très simple. C'est vous qui aurez le pouvoir de décider chaque semaine qui devra quitter la maison. Mmh. 70 jours coupé du monde. Bon courage. Sans téléphone, sans presse, sans radio et bien sûr, sans télévision, elles découvrent pour la première fois ce qui va être leur maison durant 2 mois et demi. Oh, c'est trop beau. Oh, la piscine, regardez. Oh, il y a une piscine. J'espère que vous faites le sport, mec. Ça te dit qu'on se boxe? Tu fais de la boxe? Si tu veux, pourquoi pas? Génial! Vas-y. Et toi, Loana, hein, c'est ça? Ouais. Tu fais un sport? Ouais, je fais de la danse. Ah ouais? Quel genre de danse? Je suis gogo danseuse. Ah ouais? Sérieux? Et cette pièce là-bas, c'est quoi? Attends. C'est quoi? Ah mais c'est le confessionnal. C'est là que tu te confesses, comme à l'église. Attends, je vais parler. C'est là qu'on pourra cracher les uns sur les autres. Bah parle pour toi, hein. Mais c'est bien un endroit où on peut se confier. Ouais, enfin là tu te confies pas à un prêtre, hein. Tu te confies aux caméras, c'est pas pareil. L'enfoiré. 26 avril 2001, chez le patron de TF1. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Thomas Valentin. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais veuillez me laisser un mot. L'enfoiré. 3 jours plus tard, dans le loft. Qu'est-ce qui va être éliminé à ton avis? Je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas moi. Ça ne peut pas être toi, Loana. T'es beaucoup trop belle. Tu crois? Ah, bien sûr. Les gens ont envie de te voir à l'image. C'est gentil. Tu sais, moi, je pense que certains nous adoreront et que d'autres nous détesteront. Au moins, ils parleront de nous. Oui, c'est vrai. Ils sauront qui on est. On sera plus des personnes lambda. On deviendra quelqu'un. Des gens connus. Des vieilles pies. On sera invités partout. Limousine. Champagne. Billets de banque. Ça sera bien. En tout cas, c'est bizarre. Mais moi, j'ai complètement oublié qu'il y avait des caméras. Ah bon? Ouais. Je sais même plus quel jour on est, ou ce qui se passe aux infos, ou ce qu'on peut dire sur nous. Ça te dérange? Non, je sais pas. C'est troublant. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Ouais, t'as raison. Ce qui compte, c'est cette piscine à 28 degrés. Ouais. C'est la fête. La fête. C'est toi et moi. Ouais. Embrasse-moi. Oh là là, ça chauffe là. Non, arrêtez là, ça suffit, c'est... Non mais... Non mais attends, pas le maillot, non. Mais qu'est-ce qu'il fout, putain? Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez, putain, merde. Mais merde, mais retenez-vous, non. Mais c'est pas possible. Mai 2001. Aujourd'hui, je signe une tribune dans Le Monde parce que je suis sidéré. Sidéré qu'une chaîne française, dont la mission est d'éduquer, d'instruire, de divertir, devienne la plateforme de tous les vices, devienne une représentation de la télé poubelle. À peine 3 jours après le lancement de l'émission, 2 candidats s'ébattent dans la piscine. La vidéo est piratée et diffusée partout. Mais que veut-on montrer à nos adolescents ? à nos enfants. De la pornographie? Aujourd'hui, j'en appelle à votre bon sens. Respectons la télévision française. Respectons-nous. Boycottons Love Story. Décidément, Love Story déchaîne les passions. Cet après-midi, 200 manifestants ont déversé des poubelles à Neuilly devant le siège de la petite chaîne qui monte pour protester contre cette émission d'M6, les anti-Love Story. Des militants de mouvements alternatifs se sont ensuite rendus à la plaine Saint-Denis devant le fameux Loft pour tenter de s'y introduire. Vous voyez, ils ont été refoulés par les vigiles après une sévère altercation. Rappelons que cette émission a battu jeudi soir un record d'audience historique de la chaîne avec plus de 7 millions de téléspectateurs. Le lendemain. Non mais t'es franchement culotté avec ton article. Culotté, moi? C'est toi qui m'avais donné ta parole, Thomas. Ta parole qu'on ne signerait rien avec Endemol. Ta parole que Big Brother ne ferait pas son entrée en France. C'est pas Big Brother, c'est Love Story. Oh, allez, ne sois pas hypocrite. Tous les autres pays qui diffusent Big Brother se foutent de la gueule d'M6 juste parce que t'as changé de nom. Non mais c'est exactement la même chose. Mais tu sais ce qui t'emmerde? C'est que ton audience est chutée de 10 points. M6 remporte 36% de parts de marché contre TF1, qui n'en remporte plus que 22. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la vérité et tu le sais très bien. Ce n'est pas la télé que je souhaite pour nos enfants. Mais arrête ton hypocrisie. On est des directeurs de chaîne, pas des philosophes ou des gardiens de la morale. T'avais besoin d'écrire une tribune dans Le Monde pour nous salir à ce point? Mais qu'est-ce que ça change pour tes 7 millions de téléspectateurs, de toute façon? Rien. Tu vois, ça change rien. C'est trop tard. Love Story, ce n'est que le début. Et moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. « 16 mai 2001, à 4h12, dans le confessionnal. Il est 4h du matin. J'arrive pas à dormir. Pas un bruit dans la maison. Ni à l'extérieur. Il n'y a aucun bruit de l'autre côté du mur. Silence absolu. Comme l'impression d'être coupé de tout. De ne plus saisir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Comme l'impression d'être dans un rêve éveillé. Ici, à l'intérieur, les filles m'évitent. Et les garçons me fuient. Comme si ce qui s'était passé dans la piscine l'autre soir m'avait noyé. Oui, depuis cet incident, je me noie, je crois. J'avais juste envie d'un peu d'amour. D'être enlacée. Je suis dans le confessionnal, alors je me confesse. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, de l'autre côté de la caméra? Hein? J'aimerais bien savoir ce que tu penses de moi. Tu penses qu'on va être nominé? Je sais pas. En tout cas, ce serait plus simple si c'était Loana qui se barrait. Elle est bizarre en ce moment. Elle est parano. Elle croit qu'on l'aime pas. Personnellement, je vais pas l'épouser, mais j'ai rien contre elle. C'est le public qui décide de toute façon. Elle fait tout ça pour que ce soit moi qui sois viré. T'es parano? Non, je t'assure. Je croyais que c'était moi que tu voulais qu'on élimine. Mais non. Si on t'élimine, il y a plus de chances pour que je me retrouve en finale avec... Qui tu sais? C'est toi qui es parano. Ah, mais tu calcules tout. Je suis pas parano, c'est toi qui l'es. On devient tous parano. J'ai un peu de peine pour ces poules. Pourquoi? Mais elles sont enfermées dans leur cage toute la journée. On dirait qu'elles sont seulement là pour pondre. Pauvre petite chérie. Et regarde ces deux-là, elles ont l'air de se tirer dans les plumes. Bah, c'est comme nous. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe si on ouvre la porte de la cage? Mais t'es folle. Faut pas les libérer. Mais pourquoi? Elles vont tout salir, elles vont foutre le bordel, ça va devenir incontrôlable. Tu crois? Vaut mieux les laisser enfermer et les surveiller. Les poules, c'est pas des oiseaux qui volent. Hein. C'est pas fait pour la liberté. 10 juin 2001. Dans les bureaux de TF1. Ravi de vous revoir, Patrick. Ravi aussi. Dites-moi tout. Écoutez, John, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je veux vous acheter tous les concepts de télé-réalité que vous avez développés avec Endemol. Tous ? Je travaille pour la chaîne préférée des Français. Mon but, c'est de les satisfaire et de leur proposer des programmes dans l'air du temps. Je croyais que Love Story était une émission de télé-poubelle. Peu importe ce que je pense. J'ai plein de concepts en route, mais ça va vous coûter très cher. Faites-moi rêver. Star Academy. Un peu dans la même idée que Big Brother, sauf qu'on forme des stars à chanter et à danser. L'heureux gagnant devient une star de la chanson, filmée non-stop, bien sûr. Je prends. Le célibataire. Un millionnaire cherche l'amour de sa vie. Les femmes doivent passer des épreuves pour le séduire face caméra. L'heureuse gagnante l'épouse. J'achète. Survivor. Les candidats doivent survivre sur une île déserte avec un kilo de riz. Non, non, j'ai déjà acheté cette émission. Ah oui, pardon. Je continue. Voyons voir. Ah oui. Fear Factor. Les candidats se confrontent à leurs pires peurs. Par exemple, vous les mettez dans des cercueils ouverts avec des kilos de verre vivant sur la figure. C'est mortel. Ah, j'ai aussi une émission que je viens de vendre en Malaisie. Le jeune imam. 8 jeunes hommes s'affrontent pour être sacré meilleur imam. Le gagnant sera placé dans une des meilleures mosquées de Malaisie. Bon, écoutez. Je vous propose un chèque de 500 millions pour être prioritaire sur tous les prochains concepts que vous développez. Comme ça, ce sera plus simple. Très bien. Marché conclu. Le soir de la finale, plateau de la Plaine Saint-Denis, le 5 juillet 2001. 10, 9, 8, 7, 6, 5, pas trop vite. 1 et... Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Loana, peut-être un tout petit mot. Loana, ta première réaction, Loana. Je sais pas. C'est si soudain. Un chanteur, on l'aime pour sa chanson. Un acteur, on l'aime pour son rôle. Mais moi, je sais pas trop pourquoi on devrait m'aimer. Trois mois plus tard, le 20 octobre 2001. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus en direct sur TF1, nous sommes le samedi 20 octobre, il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy, aujourd'hui c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer ce soir? Derrière moi, vous le voyez, 16 fauteuils seulement pour 50 candidats et tout au long de la soirée, nous allons découvrir ensemble les visages des 16 élèves qui auront la chance de partir ce soir au château de la Star Academy. Ce sont 8 filles et 8 garçons qui vont vivre ensemble l'aventure de leur vie, car pendant 3 mois, 24 heures sur 24 et en direct à la télévision, ils vont apprendre à devenir de véritables stars. Ils vont devoir travailler dur avec les meilleurs professeurs de chant et de danse. Dans 84 jours, un seul réalisera son rêve, devenir star. Allô? Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Tiens, Thomas, comment vas-tu? Sérieusement? Tu balances Star Academy sur TF1 à peine 3 mois après la finale du Loft? Mais de quoi tu te plains? Les publicités t'ont rapporté 25 millions d'euros, les votes du public 11 millions, t'as fait 3 millions d'euros de produits dérivés et j'en passe. Tu connais bien les chiffres, hein? Et puis tes lofters font un carton, on ne voit que dans les médias. Je suis pas sûr qu'ils aient les épaules assez solides. On les a parachutés dans la célébrité, mais je sais pas bien ce qu'ils vont pouvoir devenir quand tout ça sera fini. Faut savoir rebondir, mon vieux. Ils rebondiront. Et tes grandes convictions contre la télé-poubelle? Le projet de TF1, c'est de faire des émissions qui rassemblent la majorité des Français. Est-ce que ça fait progresser la civilisation, ça? Je peux pas te le dire. Hé, hey, candidat! Psst! C'est encore moi. Je t'ai vu. Si, si, j'étais là, avec toi. Tous les jours, je t'ai aimé, je t'ai écouté, je t'ai accompagné. J'étais ton œil de lynx. J'ai vu clair dans ton jeu. Ne regrette pas ce que tu as dit. Ne regrette pas ce que tu as fait. Tu as servi d'exemple à des millions de téléspectateurs qui auraient aimé être à ta place. Tu les as fait rire. Tu les as fait pleurer. Tu as donné envie aux gens de te connaître, de se réveiller à tes côtés, de s'endormir à tes côtés, de répéter tes phrases cultes. D'autres vont maintenant prendre la relève. D'autres émissions, d'autres candidats, d'autres personnalités, d'autres anges de la télé-réalité. Ne te sens pas seul, rien n'est terminé. Tout ce que tu as vécu n'était pas tout à fait vrai. Tout ce que tu vas vivre à présent ne sera pas totalement faux. Il est maintenant temps d'ouvrir la cage. N'aie pas peur. Je t'assure que même les poules savent voler. C'était Télé-réalité ou la guerre des chaînes de Leslie Menahem. Avec Jean-Marc Lancelot, Juliane Egerix, Emmanuel de Sablet, Laurent Dols, Marion Malenfant, Jean-Baptiste Lafarge, David Mandino, Myrtille Bordier, Marc Prin et Capucine Lespinasse. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Lidouine Caron, Olivier Dupré. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossir. Fiction. Ce que les gens qui exploitent ça sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de détruire la société. Bernard Stiegler. Ils sont en train de détruire toute confiance. Ils sont en train de détruire les relations entre les individus, entre les parents et les enfants. Donc tous les modèles d'autorité. Ils produisent de l'incontrôlable. Ils produisent ce que j'ai appelé dans un livre des individus désaffectés. Ils produisent de la guerre civile. Ça ne peut que conduire à une hyper-violence. Puisque le président de la République en a appelé Edgar Morin pour repenser la civilisation, je pense que voilà une vraie question de civilisation. Est-ce que il faut laisser aujourd'hui la télévision continuer à exploiter la pulsion comme un automatisme qui conduit au crime et qui la vraie question de l'identité n'est perdue? Parce que si les Français ont le sentiment d'avoir perdu leur identité, C'est pas du tout à cause des Maghrébins ou des Africains ou des Asiatiques qui s'installent en France. C'est parce que le marketing les a privés de leur culture. C'est parce que les parents n'ont plus de rapport à leurs enfants. C'est parce que les profs ne peuvent plus concurrencer la télé qui capte l'attention beaucoup plus efficacement que les profs, etc. C'est ça le vrai problème. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui télé-réalité ou la guerre des chaînes, notre invitée, Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias, spécialiste de la télé-réalité. Bonjour Nathalie Nadeau-Albertini. Bonjour. Vous êtes chercheuse associée au Centre de recherche sur les médiations à l'Université de Lorraine. Vous avez fait votre thèse de doctorat en sociologie, car vous êtes sociologue, sur le contenu et la réception numérique des émissions de télé-réalité en France, précisément. Et vous avez eu le prix de la recherche de l'INATEC pour cette thèse. Bravo. Exactement, merci. D'abord une question de mots. Télé-réalité. Or, oui. On s'aperçoit que tout est scénarisé. Sinon, ça partirait dans tous les sens, ce serait un spectacle de patronage. Mm-hmm. Donc, pour professionnaliser la chose, on la scénarise, mais on dit après, vous voyez, c'est la réalité qu'on vous montre. Donc là, il y a quand même une mystification, d'emblée, par l'appellation. Alors, une mystification, si vous voulez, ce qu'on revendique à l'époque, c'est le credo de l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, on nous vend le loft, parce que c'est avec le loft que la télé-réalité arrive en France, on nous le vend sous le credo de l'authenticité. Avant de dire télé-réalité, ce qui est dans le dossier de presse d'Endemol, c'est fiction réelle interactive. Fiction réelle interactive. Alors, ça veut dire quoi, fiction réelle interactive? Déjà, fiction réelle. Alors, fiction réelle, si vous voulez, il y a deux... Vous avez deux éléments pour comprendre ce terme. Premier élément, c'est la façon dont l'intrigue est écrite. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez une fiction classique, vous avez un scénario qui est écrit avant que ce soit joué par les acteurs. Très bien. Là, on est dans autre chose. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, d'abord, vous avez la production qui intervient en délimitant en fait un ensemble de possibles, c'est-à-dire c'est le studio où va se passer l'émission, sont les règles de l'émission, c'est la sélection des candidats. Et puis après, on va voir les candidats. Donc les candidats vont vivre sous l'œil des caméras, ils vont parler, ils vont avoir un certain nombre d'attitudes les uns avec les autres. Et à partir de ça, la production va remonter un récit. C'est-à-dire qu'elle va sélectionner des éléments pertinents pour remonter un récit et proposer des émissions. Donc ça, c'est pour fiction réelle. Très bien. Et pour interactive, c'est le rôle du téléspectateur. C'est-à-dire que, du moins dans les formats type loft, parce qu'après ça a un peu évolué, mais dans le format type loft, le téléspectateur a un rôle. C'est-à-dire que toutes les semaines, il désigne le candidat qu'il souhaite voir sortir. Autrement dit, il choisit les personnages qu'il veut voir dans la fiction, ce qui est impossible dans une autre fiction. Mmh. Voilà, c'est ça, en fait, qu'on a vendu à l'époque avec le loft. Qui emprunte d'ailleurs aussi un genre beaucoup plus vieux qui s'appelle radio-crochet ou télé-crochet. Oui, tout à fait. Alors, Nathalie Nadeau-Albertini, on a entendu une archive tout à l'heure où s'exprimait le philosophe Bernard Stiegler dans le documentaire « Tant de cerveaux » disponible de Christophe Nick et Jean-Robert Viallet qui avait été diffusé le 17 mars 2010 sur France 2. Alors là, ce sont des critiques très dures. Alors, on pourrait même penser éventuellement, on a le droit de les juger, hein, qu'elles sont un peu excessives quand même. La télé-réalité détruirait, selon le philosophe, les modèles d'autorité. Ça produit de la guerre civile, je le cite, hein, mm-hmm. N'invente rien. C'est un problème de civilisation. L'autorité, les profs, c'est terminé parce que c'est la télé qui a investi ce champ. Enfin bon, c'est un tableau très noir. Est-ce qu'il vous paraît excessif? Écoutez, excessif, je vais pas le juger, si vous voulez. Ce que j'entends quand j'entends ce propos, j'entends la façon dont on a considéré dès le début la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on a considéré que la télé-réalité était à la fois le symptôme d'une décadence et en même temps un vecteur de décadence. Et quand j'entends ce propos-là, ça me fait penser immédiatement au scandale qui a entouré le Loft. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un héritage de ce scandale initial. On a appris à penser la télé-réalité en termes de scandale. Et donc, si vous voulez, souvent, la première pensée qui vient, c'est une pensée indignée, c'est une pensée de où on a besoin, quelque part, d'aller de taper très fort dessus pour montrer vraiment qu'il faut être contre, que c'est mal et qu'il faut se scandaliser. Mmh. Voilà. Moi, c'est plus ça que ça m'évoque plutôt qu'un jugement de ma part. Alors pourquoi avoir choisi, pour ce qui vous concerne, ce sujet, pour votre thèse de sociologie, voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais m'intéresser à ça, et évidemment, il y a la raison pour laquelle vous vous intéressez à ça. C'était quoi, votre motivation ? Alors, ma motivation, alors je vais vous raconter. Alors, on est le 26 avril 2001, et moi, tiens, c'est l'époque de Loft, hein ? C'est le jour du lancement du Loft. Ah, d'accord. C'est le jour du lancement du Loft. Je suis, à l'époque, je fais des études d'information communication à la Sorbonne Nouvelle. Et on parle du lancement de cette nouvelle émission. On en parle avec nos professeurs qui nous mettent en garde contre cette émission. Et donc, entre nous, les étudiants, on dit on boycotte, on ne regarde pas. Donc, vous voyez, j'ai une vingtaine d'années, donc je suis toute... Oui, toute prête à s'allier, à se cabrer. Voilà, c'est ça. J'ai toute la fougue de la jeunesse. Et donc, je me dis, non, on ne regardera pas. Voilà, je suis très, très sûre de moi. Et puis, je rentre à la maison. Et quand je rentre chez moi, on me dit, dis-moi, la nouvelle émission, tu vas la regarder parce que quand même, tu fais des études d'information, communication, ça pourrait t'intéresser. Et moi, je fais, ah non, hors de question, c'est pas possible, je vais pas regarder cette émission-là. Et on me dit, ah bon, et pourquoi ? Mais je dis, parce que c'est pas possible, c'est monstrueux, ça va être un scandale. Enfin, en fait, je redis tout ce que j'avais entendu. L'intello en colère, quoi. Voilà, c'est ça, l'intello en colère, avec la fougue des 20 ans, donc j'y vais très très fort. Et donc là, on me regarde en me disant, mais dis-moi, tu es quand même très forte, Nathalie, parce que cette émission, elle n'a pas été diffusée. Mais comment peux-tu juger ? Mais comment, oui, c'est ça. Position de principe, voilà. Donc. Comment tu peux juger ? Ah, je vais... Finalement. Oui, effectivement. Et donc, je me mets à regarder le Loft. Et je le prends au moment où les candidats arrivent, en fait, quittent le studio avec leur valise pour rentrer dans le Loft. Et moi, je m'attendais à une sorte d'apocalypse. Enfin, je peux pas exactement vous dire, mais je m'attendais à quelque chose d'absolument monstrueux. Et je regarde mon écran, et je me dis... Ah, oui, ça, je connais pas. Voilà, ça, ce que je vois à l'écran là, je sais pas, je connais pas. Ça ressemble à rien de ce que je connais. Mais en même temps, c'est pas ce qu'on m'a dit. Tout à fait, je sais pas. Voilà, donc il y a une espèce de... Il y a une perplexité forte chez moi qui fait que j'ai envie de comprendre ce programme. Vraiment, très très fortement. Mais je suis encore très jeune. Donc je suis pas encore au moment où on fait de la recherche. Mais il a quand même convoqué sévèrement votre curiosité. Ah, il a réussi, ce programme. Complètement. C'est-à-dire que je me mets, dès cette époque-là, à regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc après, je termine mon cursus en infocom. Puis je découvre que c'est vraiment de la sociologie que je veux faire. Donc je rentre en DEA à l'EHESS. Je propose la télé-réalité comme sujet à mon directeur, qui me dit, écoutez, vous savez, en un an, ça va être compliqué. Donc plutôt pour la thèse. Et donc, en thèse, je me mets à travailler sur ce sujet. Et alors, qu'est-ce que vous apprenez de frappant ? Qu'est-ce que vous comprenez qui va être peut-être la base de toute votre réflexion ? S'il fallait tirer une idée force... Parmi tout ce que vous découvrez, J'apprends plusieurs choses. D'abord, c'est la difficulté à travailler sur cet objet. C'est-à-dire que, finalement, c'est considéré comme un mauvais objet, y compris par les gens qui le regardent. C'est-à-dire que... Ça, c'est fort bien, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens que vous essayez d'interroger, qui vous font une thèse sur la télé-réalité. C'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Non. En fait, ce sont les mots thèse et télé-réalité qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que ce qui gênait les gens, c'était l'idée de penser ce sujet parce qu'on considérait justement que c'était l'anti-pensée. Mmh. Donc, essayer de faire un travail universitaire, un travail de recul sur ce sujet, c'était compliqué. Et ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Voilà. Alors, on va voir ça dans le détail tout à l'heure. On va se retrouver après avoir écouté un disque. Et puis, on prendra un ou deux exemples. On ne va pas faire le panorama de toutes les émissions de télé-réalité, parce qu'on n'est pas sorti, il y en a beaucoup. On n'aura pas le temps. Ça ne sera pas intéressant. On va choisir deux exemples emblématiques. D'accord. À tout de suite. J'ai dribblé dans la vallée, les années, les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Je me regarde en face comme vérité. Est-ce que tout ça est mérité? Jamais en paix, pas dérivé. Ils traitent d'entre comptes vérifiés. Yeah, yeah. La vie m'a prise, ma ville m'attriste. T'as le pourcentage d'une batterie faible. Doigt dans la prise pour me matrixer. Je veux me barrer, barrer à tout qui se perd. Et la boutique ferme, je perds des heures. J'ai gardé semaine dans mes cauchemars, t'es dans mes rêves. Je sais que j'y suis, pourquoi j'y reste. Mais si je m'enfuis, où est-ce que j'irai? J'ai dribblé dans la vallée, les âmes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Maman, je me sens seul, comme un rappeur insensible. Je raconte des histoires qui font peur, mon futur dans un incendie. Et ne fais pas l'étonner le jour où je m'en irai. Très loin d'ici comme au Cirel. Et un habitué au microclimat qu'il y a dans mon hall. On a glissé nos corps dans ton auréole. T'as une belle bulle sur mes épaules. Dis pas que j'ai de la chance, c'est la bon dos. Je vais couper mon funnel pour faire mode avion. De minimum platinium ou j'abandonne. Idée noire dans le brouillard. T'es ma lumière, bientôt tu me demanderas comment qu'on fait. Je sais pas, peu importe, moi je connais pas vos codes. Un jour t'as plus la cote, médite à l'occasion. Arc-en-ciel en polo Lacoste. Si loin du soleil dans la cave. J'entends sonner mais je te laisse à la porte. On a compris qu'on dérange, mais c'est eux qui dégage. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Oh, je suis déjà mort. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Je m'efforcerai de te croire. Adieu bientôt. Adieu, au revoir. Nathalie Nadeau-Albertini, on va essayer de voir à travers un exemple ce que contient la télé-réalité, ce qu'elle nous dit et ce qu'elle ne nous dit pas d'ailleurs. Quels sont les exemples emblématiques? Le loft peut-être, parce que le c'est loft. Le premier. Parce et que puis c'est... Après moi je vous ferai une proposition, on parlera un peu de l'amour et dans le pré. Ah, voilà. Si vous voulez, l'amour bon, et dans le pré. Parce que ce n'est pas les mêmes, le loft et amour et dans le pré. Ah, pas du tout. Alors, le loft, d'abord, est-ce que c'était un programme... Alors, je ne vais pas dire que c'était un programme recommandable, parce que là je me retrouvais dans le jugement. Mais par rapport aux objectifs de la télé-réalité, est-ce que le loft a été une chose réussie? Ah oui. Par rapport aux objectifs de télé-réalité, bien sûr, ça a été réussi, parce que, si vous voulez, c'est d'abord un succès d'audimat extraordinaire. Oui. Et au-delà, ça... Si vous voulez, ça a vraiment impacté les gens. C'est-à-dire que à l'époque, souvenez-vous, on en parlait de partout. C'est-à-dire qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut la regarder ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? C'était un phénomène de société, c'était un débat de société. C'était absolument un débat de société. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il y avait au cœur de ce débat, en fait, c'était un trouble. Alors, un trouble au sens où l'entend John Dewey. C'est-à-dire, c'est une situation que l'on n'a pas les... Si vous voulez, on ne dispose pas des outils, des catégories de pensée pour la saisir. Donc c'est quelque chose qui nous échappe, qu'on essaye de saisir en prenant des catégories de pensée qui nous semblent proches, et qu'on va remplir avec ces catégories comme ça qui sont proches. Et donc c'est quelque chose qui a inquiété les gens, qui les a fait réfléchir, qui les a aussi passionnés, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui avaient voté pour le Loft. Donc ça a créé une vraie rupture, si vous voulez, même dans les programmes, parce qu'il y avait, si vous voulez, il y avait aussi autre chose, c'était le côté transmédia. C'est-à-dire que c'était pas uniquement un programme de télévision, c'était quelque chose qui était retransmis 24 heures sur 24 sur TPS. Mmh. Et en même temps, il y avait un numéro de téléphone où on pouvait appeler, où on pouvait entendre les candidats du Loft. C'est quasiment du web, hein. C'est ça, c'était, ouais. Mais à l'époque, ça semblait révolutionnaire. Et le fait, le fameux taper 1, taper 2, taper 3 pour voter pour les candidats, c'était quelque chose qui était aussi, c'était absolument révolutionnaire. C'est cette espèce d'interactivité, de transmédialité, on n'était absolument pas habitués. Donc ça a surpris les gens et ça a capté leur attention. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un triptyque du succès ? Il y a d'abord marketing, faiblesse de l'histoire, c'est normal, puisque ce ne sont pas des artistes et des scénaristes qui l'écrivent, l'histoire, mais ce sont les gens qui participent à ça, qui écrivent l'histoire, et donc ils n'ont pas forcément un vrai talent pour ça. D'ailleurs, ils racontent juste leur vie, et la vie quotidienne n'a pas forcément beaucoup de talent. Et puis il y a transmédia, d'accord ? Donc, marketing, faiblesse de l'histoire, transmédia, est-ce que c'est le trépied du succès ? Oh, marketing, oui. Transmédia, oui. Faiblesse de l'histoire, j'ai envie de vous dire que c'est presque ce qui a fait sa force. C'est-à-dire que Mais c'est ça, donc ça rentre dedans. C'est ça, mais parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir leur vie quotidienne, de pouvoir se dire « Ah mais tiens, lui il fait comme moi, quand il se lève le matin c'est bizarre, il a les cheveux comme moi, ébouriffé. En pagaille. » Donc c'est bien narcissique. C'est une forme, oui. Bon. D'accord. Quand même, dans les critiques, avant de dire un mot sur l'amour et dans le prêt, dans un entretien de l'Obs, une chercheuse en psychologie affirme que la télé-réalité fait chuter les notes des ados et que c'est dû à la pauvreté du vocabulaire employé. 600 mots à peine, elle les a comptés, 1000 dans une bande dessinée et 27 000 dans les manuels scolaires. Voilà. Donc ce serait un phénomène, oh tiens, je vais employer des grands mots, d'acculturation. Oh, d'acculturation, oulalalalala. Oui, c'était volontaire. Oui. Provocation volontaire. Alors, il y a autre chose dans cette étude, et le chercheur le dit très bien à la fin du papier, en fait il parle aussi du coût temporel, c'est-à-dire que il y a aussi une question du temps qu'on consacre à regarder la télévision et du temps qu'on consacre à ses études. Si vous voulez. Donc, il y a aussi le fait que ça semble une lapalissade. Hein. Mais si vous passez pas de temps à travailler vos cours, c'est normal qu'il vous manque du vocabulaire, qu'il vous manque des connaissances, qu'il vous manque des compétences. Et en plus, effectivement, le contenu avec lequel on passe du temps est pas un contenu riche linguistiquement. Donc, effectivement, ça n'aide pas. À mes poignets des bijoux, à mes poignets des bijoux, fermés, liés à mes pieds, dans mes veines des bateaux, dans mes veines des bateaux. C'est si beau dans la Seine, le poids des eaux. Dans la Seine, le poids des eaux. Il court depuis le grand saut. On sent un peu de bruit, toujours idées. Ça dit le couteau dans les rafales, mes adieux. La France a bandé mes yeux dans ma ville des robots. Des filles, ils me tournent le dos. Nathalie Nadeau-Albertini, un mot de l'amour est dans le pré. Elle est différente des autres, je trouve, celle-là. Elle a quelque chose de particulier. Je suis d'accord avec vous sur ce sentiment de différence. Alors, je vais être franche, je ne m'étais jamais vraiment posé la question comme ça, mais je vais en profiter pour me la poser. Si vous voulez, pour moi, l'amour est dans le pré. Ce qu'on aime, ce sont les... D'abord, le côté atypique, parce qu'on a des, si vous voulez, on n'a pas l'habitude, du moins nous les citadins, de voir des agriculteurs, d'être au contact de cette réalité-là. Parce que pour le coup, il y a une réalité sociologique, c'est vrai. Après, il y a cette fameuse scénarisation. Bien sûr. Mais ça n'enlève pas les personnages. C'est-à-dire que vous avez des personnages. Le mot qui me vient, c'est à la fois outrance et authenticité. C'est-à-dire que vous avez l'impression, enfin. Alors, on va prendre un exemple. Quand on vous montre ce fameux Thierry, qui est un éleveur très attachant, extrêmement attachant, devenu presque un héros populaire, un éleveur de la Manche, et on lui envoie pour une liaison une bobo parisienne qui doit manger 5 fruits et légumes par jour, s'interdire de tout faire, enfin bon, la bonne bobo qui arrive. Oui, oui. Il y a quand même quelque chose de caricatural. On pourrait prendre des gens qui sont un peu moins dans la caricature, même si parmi les deux, lui est vraiment attachant. C'est peut-être ça aussi le danger de la télé-réalité, parce qu'il y a une forme... Moi, j'imagine tous les gens qui vivent à la campagne, les agriculteurs, quand ils voient la représentation par Thierry, parfois, ils doivent se sentir un peu blessés. Ils ne s'y reconnaissent pas. Mais la plupart des gens, quand vous prenez les... Quelle que soit la catégorie représentée dans la télé-réalité, personne ne va s'y reconnaître. Ça, c'est évident. Mais en fait, dans ce que vous me disiez entre Thierry et la bobo, ce que fait l'émission, c'est... En fait, elle fait une sorte d'expérience. C'est-à-dire en disant... on prend des gens très différents, on les met ensemble et on voit ce qui se passe. Et en fait... Oui, enfin, c'est des gens quand même, c'est pas des, oui. C'est pas des animaux de laboratoire. Dans ce que vous dites, là, c'est un petit peu terrifiant. Mais on prend des gens, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est une expérience humaine qu'on fait. Mais effectivement, on oublie que ce sont des gens. Donc ça... Voilà, un problème quand même. Ça fait question. Bon, alors on n'a pas le temps. Une dernière question. Selon vous, c'est quoi la notion de temps de cerveau disponible? Ou part de cerveau disponible? Temps de cerveau disponible. Fameuse déclaration de Monsieur Lelay, qui était à la tête de TF1 à l'époque, et qui avait ce certain cynisme. C'est le temps qu'on consacre à nos loisirs, je pense. Bon. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie Nadeau-Albertini, d'être venue éclairer de vos lumières ce sujet sur la télé-réalité. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui télé-réalité ou la guerre des chaînes, une fiction écrite par Leslie Menahem, réalisée par Cédric Ossir, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Niro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Léo Prangère et Julien Chabassu.